6. Bibliomanie. Il y avait affluence d'acheteurs à l'hôtel des ventes mobilières. Sur une table étaient rangés quelques centaines de volumes, provenant de la bibliothèque de M. Debé, et dont le catalogue passait de main en main. On savait que M. Debé, de son vivant, avait eu la manie de convertir en éditions rares et curieuses une assez grande partie de sa fortune. Aussi, tous les bibliomanes de Paris et de la banlieue semblaient-ils s'être donné rendez-vous à cette vente. C'était vraiment un singulier spectacle de voir ces hommes, au regard plein de convoitise, prendre d'une main caressante chaque exemplaire, l'ouvrir à demi, après avoir d'un souffle circonspect fait disparaître la poussière, dont la tranche pouvait être polluée. Chercher d'un œil exercé le signe distinctif, souvent la faute qui est comme le blason de ces sortes de livres. Puis, cet examen terminé, affecter une indifférence bientôt démentie par le chiffre et par la vivacité des enchères. Deux de ces bibliomanes, Derbelin et Bodinier, se faisaient surtout remarquer, non par la quantité, mais par le choix des ouvrages pour lesquels ils daignaient se mettre sur les rangs. Cependant, ces deux redoutables lutteurs ne s'étaient encore signalés par aucune action d'éclat. On les avait même vus deux ou trois fois lâcher pied, au moment où la victoire paraissait près de se décider en leur faveur. Pour quiconque les connaissait, il était évident qu'ils escarmouchaient ainsi uniquement pour tuer le temps, et qu'ils réservaient leur énergie pour une occasion plus solennelle. Enfin, le commissaire-priseur saisit entre le pouce et l'index un tout petit livre, dont il prononça d'une voix lente et grave, au milieu du plus profond silence, le titre ainsi conçu. « Opuscula Petri de Blard de Rivaux, in pajo S. Nicolai de Portou, 1518. Opusculès de Pierre de Blaru à Saint-Nicolas-du-Port, 1518. » S'il me fallait lire ce qu'est ce livre, je serais assurément fort embarrassé. Et je gagerais que parmi mes lecteurs, il n'en est pas un qui ne le fût autant que moi. Mais nous, bibliomanes, dont la science, au fond, n'allait peut-être pas plus loin que la nôtre, savaient au moins cette particularité que l'exemplaire mis en vente n'avait point son second dans l'univers entier. Un exemplaire unique, qu'importe l'œuvre. Ce qui est à considérer, c'est qu'on aura le bonheur d'enfermer dans sa bibliothèque un trésor qui ne se trouvera dans nul autre. « À 200 francs, les opuscules de Pierre de Blaru !» cria le commissaire-priseur. Un des amateurs répondit. « 220 !»« 240 !» fit un autre. La lutte était engagée. Peu à peu, elle s'anima. Une vingtaine de combattants s'étaient présentés au début, mais à mesure que le chiffre s'élevait, leur nombre diminuait. Derbelin et Bodinier se bornaient au simple rôle de spectateurs et se contentaient de sourire en regardant les rangs s'éclaircir. L'enchère était arrivée à 1500 francs. Le débat n'avait plus lieu qu'entre deux amateurs. Il en eut un qui se retira. Alors Bodinier fit un pas vers la table. « 1505, » dit-il négligemment. L'autre amateur baissa la tête sans mot dire. Il s'avoua vaincu. Derbelin, à son tour, entra dans la lice. « 1510, » fit-il, en se donnant l'air d'un homme qui n'attachait pas à ce chiffre une bien grande importance. Le visage du commissaire-priseur s'épanouit. Les curieux se pressèrent autour de la table. Circonscrit, désormais, entre des joueurs si bien connus, le débat promettait de saisissantes péripéties. Il fut en effet long et vif. Du calme apparent, qui avait présidé à leur première surenchère, Derbelin et Bodinier ne tardèrent point à passer au plus violent degré de l'animation. Ils ne procédaient plus par 5 francs, mais par 50. Leurs joues s'empourpraient, la sueur perlait sur leurs visages, leurs yeux étincelaient. On eût dit qu'ils cherchaient à se foudroyer du regard et de la voix. Les spectateurs, le cou tendu, respirant à peine, attendaient anxieusement le dernier mot de la lutte, comme on attendait le dernier coup de canon d'une bataille. Enfin, au milieu du frémissement général, tomba ce chiffre, 3200 francs. Puis succéda un silence de quelques minutes, puis retentit le coup de maillet sacramentel. « Adjugé !» prononça solennellement le commissaire-priseur. Le vainqueur était Derbelin. Il paya, s'empara du volume et disparut. La physionomie de Bodinier présentait tous les signes d'un profond dépit. Mais il avait en vain interrogé son portefeuille. Une dernière surenchère lui avait été impossible, et la vente se faisait expressément au comptant. « Si j'avais pu prévoir, s'écria-t-il assez naïvement, en suivant du regard Derbelin qui s'éloignait, qu'un homme serait assez fou pour mettre un tel prix à un livre, j'aurais bourré mon portefeuille de billets de banque plutôt que de m'exposer à la douleur de le voir emporter ce bijou. » Derbelin courut chez lui tout d'une traite. À peine prit-il le temps de répondre par un baiser au bonsoir de sa petite fille Pauline, qui venait à sa rencontre. Il entra triomphant dans sa bibliothèque, alluma une bougie et tenant d'une main le flambeau de l'autre livre, se jeta sur un fauteuil pour s'y abandonner voluptueusement à la contemplation de sa précieuse conquête. La journée avait été trop féconde en émotions pour que d'Herbelin ne se sentît pas le cerveau fatigué. Ses paupières appesanties se fermèrent. Il s'endormit, ayant sur les lèvres le sourire du bonheur. Mais aussitôt le flambeau échappe de sa main. La bougie tombe allumée au milieu de quelques brochures laissées à terre en attendant une place sur les rayons de la bibliothèque. Des brochures, le feu se communique rapidement aux boiseries. Les flammes entourent d'Herbelin. La fumée le suffoque, il se réveille. Il se lève éperdu. « Mes livres, mes pauvres livres » s'écrie-t-il d'une voix étouffée. Dominé par l'instinct de sa propre conservation, reconnaissant d'ailleurs que tous ses efforts seraient inutiles, il s'arrache de ce lieu de désastre. Il s'élance dans une autre pièce de l'appartement, poursuivi par les flammes qui s'y engouffrent avec lui, et serrant convulsivement dans sa main les opuscules de Pierre de Blaroux, qui ne l'a pas plus abandonné dans sa fuite qu'un avare n'eût fait de son coffre-fort. Arrivé à la porte de la rue, il tressaille. Un autre cri part de son cœur. « Ma fille !» Il remonte précipitamment, court à la chambre de Pauline, met son livre dans sa poche, enlève dans ses bras sa fille encore endormie et gagne la rue chargée de ses deux précieux fardeaux. Je ne m'arrêterai point à vous faire la description d'un incendie. Je vous dirai seulement que le lendemain, la maison d'Herbelin n'offrait plus qu'un monceau de décombres et qu'il ne restait au pauvre homme absolument rien au monde, hormis les opuscules de Pierre de Blaroux et sa fille. D'Herbelin trouva pour quelques jours un asile dans la maison d'un de ses voisins. Il employa tout ce temps à gémir sur l'instabilité des choses humaines, à pleurer la perte de sa chère bibliothèque, à chercher une consolation dans la vue de cet exemplaire unique échappé miraculeusement à l'incendie, et dont la possession faisait encore battre son cœur d'orgueil au milieu d'une si grande infortune. Il lui fallut enfin songer qu'il ne pouvait rester éternellement à la charge de la personne qui l'avait recueilli. Mais que faire? Solliciter une place? Point d'espoir de l'obtenir. Quand on veut choisir et former un employé, on ne s'avise pas de le prendre à l'âge où d'ordinaire on le met à la retraite. Toutes les ressources de D'Herbelin se réduisaient à une seule, encore pouvait-elle lui assurer tout au plus une année d'existence. C'était d'aller trouver Bodinier et de lui dire « Vous savez, Marwin, je vous apporte ce livre que nous disputâmes avec tant d'acharnement. Donnez-moi le chiffre de votre dernière enchère et triomphez à votre tour. » Nous devons avouer que la pensée d'un tel sacrifice ne se présenta même pas à son esprit. Un matin, il entend frapper à sa porte. C'est Pauline qui accourt vers lui le visage radieux. « Père, nous sommes sauvés !»« Sauvés ?» dit le vieillard surpris. « En effet, la joie brille dans ton regard. Tu as donc une bonne nouvelle à m'annoncer ?»« J'en ai deux, père. Apprends d'abord que nous allons aujourd'hui même prendre possession d'un charmant appartement. »« Ah, dame, les pièces n'en sont pas grandes et les meubles n'en sont pas riches. Mais tout y est propre et gai. Point de maison ni de mur qui empêche le soleil de venir nous visiter. » Sous nos fenêtres des jardins, tout émaillé d'arbres et de fleurs. Tu verras comme nous serons bien. Je ne doute aucunement de ton bon goût, ma chère Pauline. Mais pour louer un appartement, pour le meubler, il t'a fallu de l'argent, c'est vrai, mon père. On n'en manque pas lorsqu'on a deux bonnes amies comme Louise Dupérier et Céleste Magencourt. Tu as emprunté sans intérêt et pour autant de temps que je voudrais. Un jour viendra où il faudra rendre. Comment feras-tu? Écoute la seconde de mes deux bonnes nouvelles. Tu te rappelles que je passais à la pension pour une des plus adroites à manier l'aiguille? Je me suis demandé pourquoi je ne ferais pas comme tant d'autres qui vivent du travail de leurs mains. Alors, et voilà le secret de mes fréquentes absences pendant ces derniers jours. Je me suis présenté dans un grand magasin de lingerie. J'ai obtenu qu'on me fît travailler à l'essai. Et j'ai si bien réussi dans mes épreuves qu'on s'est engagé à me fournir de l'ouvrage, sans interruption, non seulement pour moi, mais encore de manière à pouvoir occuper un certain nombre d'ouvrières. Tu vois bien que j'avais raison de te dire que nous étions sauvés. D'Herbelin regardait sa fille avec attendrissement. Chère Pauline, as-tu bien réfléchi? Sais-tu quelle tâche tu veux entreprendre? Travailler sans relâche du matin au soir, et quelquefois la nuit? Renoncer à tes douces et joyeuses occupations de jeune fille, à ces arts d'agrément que tu cultivais avec succès, et qui te valaient dans nos réunions d'amis des applaudissements si flatteurs? Père, on peut vivre parfaitement sans danser. Rien ne m'empêchera de chanter en travaillant. Et je t'aurai là, près de moi, pour m'applaudir. Quand ton courage soit tranquille, je n'en manquerai pas. Et s'il arrive parfois que mon aiguille vienne à se ralentir, je te regarderai, je t'embrasserai. Il n'est point de fatigue qui puisse résister à cela. Tu es un ange, si jeune, te vouer au travail. Et moi, moi... Pauline se hâta de l'interrompre. Toi, père, tu atteins l'âge du repos. Tu te reposeras. Le même jour, D'Herbelin et sa fille, après avoir remercié leur hôte, allèrent s'installer dans leur nouveau domicile. Tout y était, comme l'avait dit Pauline, d'une extrême simplicité, mais parfaitement éclairé et propre, et rien ne suppléait au luxe, dans un appartement comme la propreté et le soleil. D'Herbelin, qui n'avait quelques heures auparavant, pour toute perspective, que la misère, se livrait à une joie presque enfantine. Il parcourait la chambre qui lui était destinée, celle de Pauline, la petite salle qui devait servir à la fois d'atelier et de salle à manger. Logé par charité le matin, il avait le soir un chez-lui, et l'avenir lui était garanti par l'ardeur avec laquelle Pauline, à peine arrivée, s'était mise à l'ouvrage. Bientôt, en effet, d'Herbelin vit régner autour de lui une sorte d'aisance. Il put même reprendre deux habitudes d'autrefois auxquelles il n'avait pas renoncé sans un sensible déplaisir. Le chocolat à déjeuner, le café après le dîner. Il est vrai qu'un grand vide régnait encore dans cette retraite où la prévoyance filiale n'avait pu réunir que le nécessaire. Qu'était devenu, hélas, cette vénérable cohorte de vieux compagnons qu'il rangeait, classait, époussetait, regardait avec tant d'amour et depuis tant d'années. Ce n'était pas sans pousser de tristes soupirs qu'en y songeant, il reportait son esprit vers le passé. Il fallait donc renoncer pour toujours à cette attrayante occupation de colliger. Les émotions de l'hôtel des ventes ne devaient plus lui faire battre le cœur. Mais de jour en jour, ses accès de mélancolie perdaient de leur fréquence et de leur durée. Pour en triompher, il lui suffisait d'atteindre les opuscules de Pierre de Blaru, soigneusement enfermés dans un tiroir de son secrétaire. Il les couvait alors du regard et s'écriait avec fierté « Le feu m'a dévoré de bien beaux livres, mais d'autres amateurs avaient les pareils. Celui-ci est unique, et je l'ai sauvé. » Dans une de ses promenades le long des quais, où il se plaisait encore à toucher des bouquins, comme pour se dédommager de n'en plus pouvoir acheter, d'Herbelin fit la rencontre de Bodinier. Celui-ci saisit avec empressement cette occasion d'humilier l'homme qui avait tant de fois été son rival heureux. Il s'approcha de lui en se composant un visage tout plein de compassion. « J'ai pris, mon pauvre d'Herbelin, une part bien vive au cruel malheur qui vous a frappé. Je suis bien reconnaissant de cette preuve de votre affection, mon cher Bodinier, » répondit d'une voix non moins mielleuse d'Herbelin qui sentit venir le coup. Perdre en un instant une si riche collection, le fruit de tant de recherches et de si lourds sacrifices, vous avez dû pleurer des larmes de sang. « Sans doute, mais que voulez-vous? Il faut bien se faire une raison. Et avec un peu de philosophie... » « Il n'y a point de philosophie qui tienne contre une telle catastrophe, car elle a été complète, la catastrophe. M'a-t-on dit, tous vos livres y sont passés. Tous à l'exception d'un, pourtant. Ah, tant mieux. Ce sera pour vous un souvenir. D'autant moins déchirant que pour celui-là, j'aurais donné tout le reste. Songez donc, mon cher Bodinier, un livre qui n'existe dans aucune collection, pas même dans la vôtre, qui pourtant est fort recommandable. Qu'entends-je? Vous auriez conservé les opuscules de Pierre de Blaru? Le ciel a daigné m'accorder ce bonheur. Je vous en fais mon compliment. » Et Bodinier s'éloigna avec la mine effarée d'un homme qui vient de mettre le pied sur un serpent. D'Herbelin le regarda courir. Il croyait, se dit-il avec un sourire de satisfaction, m'écraser sous son insultante pitié, et c'est lui qui enrage. Depuis cet entretien, chaque fois qu'il arrivait à Bodinier de rencontrer d'Herbelin, il se hâtait de prendre l'autre côté de la rue et de détourner la tête afin de n'avoir point à saluer un homme qui, dans sa pauvreté, se permettait d'avoir ce qu'il était impossible à lui, riche, de se procurer à aucun prix. Mais si Bodinier s'évertuait à témoigner pour d'Herbelin un éloignement voisin de la haine, il avait un fils qui faisait profession d'agir tout différemment à l'endroit de Pauline. Antonin était un beau et grand garçon de 22 ans, employé dans un ministère. Assez travailleur et assez protégé pour s'y faire de bonne heure une position convenable. Reçu chez d'Herbelin dans les jours de prospérité, le vent de l'adversité ne l'avait pas mis comme tant d'autres en déroute. Il trouvait que le malheur n'avait rien diminué de la beauté ni des grâces de Pauline, et qu'il avait au contraire ajouté à ses vertus. Chaque soir, sous prétexte de faire visite à d'Herbelin, qui choisissait toujours pour sa promenade ce moment de la journée, il venait passer une heure ou deux à s'extasier sur l'agilité des doigts et sur la délicatesse des travaux de Pauline. Il y avait 3 mois déjà que durait cette assiduité d'Antonin, et Pauline avait fini par s'en faire une douce habitude. Or, quelque variés que soient les travaux de la lingerie, il ne saurait fournir seul un aliment suffisant à la conversation quotidienne d'un jeune homme et d'une jeune fille. Il arrive un moment d'ailleurs où le cœur est si plein de tout ce que la bouche n'a pas osé dire qu'il faut bien à la fin que cela déborde. Quand ce moment fut venu pour Antonin et pour Pauline, il s'opéra tout à coup en eux un changement notable. Leurs entretiens jusqu'alors, calmes et prosaïques, s'animèrent et se fleurirent de poésie. 1000 nuances nouvelles trahirent sur leur physionomie ces incessantes émotions, ces alternatives d'espoir et de découragement, de joie et de tristesse, d'expansion et de rêverie dont se compose la vie des amoureux. Les heures fuyaient comme des minutes, et au moment de se séparer, il leur semblait que tout leur restait encore à se dire. Un soir, Antonin arrive, la figure bouleversée. « Qu'avez-vous ? » lui demande Pauline, avec effroi. « Je suis le plus malheureux des hommes. Vous me faites trembler. » « Ah, Pauline, tous nos projets d'avenir, faudra-t-il donc les voir anéantis ?»« Je comprends, » dit Pauline en pâlissant. « Vous avez tout avoué à votre père. C'était mon devoir avant de faire à M. d'Herbelin une demande que l'impatience de mon amour ne me permettait plus de différer. Est-il possible, grand Dieu, qu'un père réponde par tant de dureté à la confiance d'un fils ?» Je frémis encore en me rappelant ce regard furieux et sa voix éclatante de colère. « Toi, le gendre de d'Herbelin, jamais de mon vivant !» Je te défends de faire entendre à l'avenir devant moi le nom de cet homme. » Ah, ces paroles prononcées par Antonin, avec l'accent du désespoir, Pauline porta la main à son cœur, voulut se lever et retomba sans mouvement sur son siège. D'Herbelin rentrait. La vue de sa fille évanouie, le trouble et les discours d'Antonin furent pour lui une soudaine et cruelle révélation. Quand Pauline eut repris ses sens, elle jeta ses bras autour du cou de son père, appuya sa tête contre lui et, sans proférer une parole, se mit à verser un torrent de larmes. « mon Dieu !» s'écria d'Herbelin, profondément ému. « Quel mal avons-nous donc fait à Bodinier ?»« J'ignore ses griefs, » dit Antonin. « Je l'ai supplié de me les faire connaître. »« J'avoue, lui ai-je dit, que Pauline n'est pas riche. Est-ce là le motif de votre refus ?»« Non, monsieur. »« Mais alors, quel reproche avez-vous à lui faire ?»« Un seul. Et c'est d'avoir pour père monsieur d'Herbelin. »« Un homme qui n'a jamais offensé personne ? Quel peut être son tort envers vous ?»« Son tort, monsieur ? Son tort ?» Et mon père s'est arrêté un moment, comme s'il avait éprouvé de l'embarras à s'expliquer. Puis il s'est éloigné en me disant « Il le connaît bien, lui, son tort. Vous pouvez le lui demander. » « Je vous jure, Antonin, que je n'en ai pas la moindre idée, » fit ingénument d'Herbelin. Mais lorsqu'il fut rentré dans sa chambre, après la séparation des deux jeunes gens, qu'il avait de son mieux essayé de consoler, lorsqu'il eut donné, comme il le faisait chaque soir, quelques regards d'amour à son cher trésor, il se frappa le front de la main en s'écriant « J'y suis, voici mon crime !» D'Herbelin eut beaucoup de peine à s'endormir. Quelque position qu'il prit dans son lit, il lui semblait qu'un poids énorme oppressait sa poitrine. C'était comme un remords. Parvenait-il à fermer les yeux? Des rêves pénibles interrompaient à tout moment son sommeil. Il voyait Pauline étendue sur son fauteuil, les joues couvertes de la pâleur de la mort. Antonin à genoux devant elle, se livrant à tous les égarements de la douleur. Et s'élevant au-dessus de ce groupe, Bodinier qui lui montrait du doigt les opuscules de Pierre de Blaru, et grimaçait à un épouvantable sourire. Le lendemain, d'Herbelin resta toute la journée auprès de sa fille. Il employa pour relever son courage toutes les ressources de sa rhétorique, et comme la malheureuse enfant, dans la crainte d'augmenter l'affliction de son père, laissait passer ses raisonnements sans objection, il en conclut que pour triompher du chagrin de Pauline, le temps et son éloquence seraient des armes suffisantes. Espérance illusoire, et qui devait promptement s'évanouir. Pauline, en présence de son père, ne laissait échapper ni plainte ni soupir. Parfois même, elle essayait de répondre par un sourire aux exhortations affectueuses de d'Herbelin. Mais son teint perdait de jour en jour cette fraîcheur qui accompagne la santé et décèle le contentement de l'homme. Ses joues se creusaient, ses yeux témoignaient chaque matin des larmes et des insomnies de la nuit. Sa parole devenait faible et languissante. De tels symptômes ne pouvaient permettre longtemps à d'Herbelin de s'abuser. Il s'inquiéta sérieusement. « Pauline, Pauline, » dit-il en hochant la tête, « tu es plus souffrante que tu ne veux l'avouer. »« Je suis beaucoup mieux, père, » lui répondit-elle en l'embrassant. « Si le ciel m'exauce, je ne tarderai pas à être tout à fait bien. » D'Herbelin ne s'arrêta point à chercher le véritable sens de cette dernière phrase. Une pensée venait, comme un éclair, de traverser son esprit. « Espère, mon enfant, espère, » fit-il en serrant Pauline dans ses bras. Il courut se renfermer dans sa chambre. Il ouvrit le tiroir de son secrétaire. Il en fit sortir le livre, objet de son culte. Il fixa ses regards attendris sur la couverture, puis le titre, puis sur le texte. « Cet effort est au-dessus de mon courage, » s'écria-t-il enfin. « Jamais, non, jamais, je ne m'y résoudrai. » Il replaça le livre dans le tiroir, dont il mit la clé dans sa poche, et sortit pour respirer un peu d'air. Il étouffait. Le lendemain, il put remarquer que le chagrin avait fait de nouveaux ravages sur les traits de Pauline. « Je suis, » pensa-t-il, « un être sans cœur, un misérable. » Il s'enfuit de la maison. Il erra par la ville, sans regarder où il portait ses pas. Il croyait entendre une voix accusatrice lui crier incessamment à l'oreille « Veux-tu donc être le bourreau de ta fille ?» Dans la journée, le père l'emportait. Le soir, c'était le bibliomane. Il y avait 8 jours que durait cette lutte violente. D'Herbelin avait perdu complètement le sommeil et l'appétit. Son état n'était guère moins triste que celui de Pauline. Il était assis auprès d'elle, et comme elle, sombre et silencieuse, lorsqu'Antonin se présenta. « Pardonnez-moi, dit le jeune homme, je sais que mon devoir était de ne plus reparaître dans cette maison. Il m'a été impossible de partir sans dire à Pauline un dernier adieu. « Partir ? S'écria-t-elle. « J'ai fait auprès de mon père une nouvelle tentative. Il m'a repoussé. Alors je lui ai appris ma résolution de m'engager dans un des régiments de l'armée d'Afrique, de quitter Paris dès demain. Et je tiendrai parole. Demain, je m'éloignerai pour ne plus revenir. » Pauline lui tendit la main. « Adieu donc aussi pour la dernière fois, car dussiez-vous revenir, Antonin, j'ai la conviction que vous ne me trouverez plus. » D'Herbelin tressaillit. Ses yeux se reportèrent vivement sur le visage de Pauline. Jamais il n'en avait vu si défait ni si pâle. Il se sentit frappé au cœur. « Attendez-moi, Antonin, attendez-moi !» Cette fois, il ne se laissa pas une seconde de réflexion. S'élancer dans sa chambre, mettre le livre sous enveloppe, y joindre un billet contenant ces seuls mots, « Ma fille se meurt, sauvez-la !» et revenir auprès des jeunes gens. Tout cela fut l'affaire de moins de temps que je n'en mets à l'écrire. Sans cette précipitation, il n'aurait jamais eu la force de consommer le sacrifice. « Tenez, dit-il à Antonin, remettez ceci à votre père et que le siège nous protège. » Et sa main tremblait et une larme sillonnait sa joue. Dernière faiblesse au moment suprême de la séparation. Antonin ne comprit rien à tout cela, sinon que d'Herbelin croyait encore à une chance de salut. Il n'en fallut pas davantage pour lui donner des ailes. Au bout d'une heure, il était de retour. Mais il n'était pas seul. Son père l'accompagnait. Bodinet s'avança vers d'Herbelin, lui secoua la main cordialement et lui dit « L'admiration rend la haine impossible. Soyons amis. Cependant, je ne viens pas ici pour qu'on me traite en vaincu. J'entends dicter mes conditions. » D'Herbelin avait fait de toutes les concessions la plus invraisemblable. Il n'était plus de conditions capables de l'effrayer. « Parlez, mon ami, parlez. Pour que la chose ne vous soit pas accordée, il faudra qu'elle soit au-dessus du pouvoir des hommes. » « Que nos enfants se marient donc, reprit Bodinier. J'y consens, mais j'exige que la fusion des deux familles soit complète, qu'entre nous tout devienne commun, la maison, la table, les livres. »« Les livres aussi, fit d'Herbelin. Oui, les livres, y compris les opuscules de Pierre de Blaru. »